putain de gros son avec une basse à l'ancienne. J'ai commencé le rap y'a plus de 15 piges, aujourd'hui la trentaine. Bien tassé, comme les gros wenches de PR que je fumais par le passé. On m'a fait comprendre qu'en matière de son j'étais dépassé. J'ai pas le dernier truc à la mode, j'suis resté bloqué sur Dre, Wu-Tang, Tupac, Biggie et CNN. J'ai passé l'âge des conneries, des histoires de merde. Tenir les murs toute la putain de semaine à la putain de sa mère. Si Jou savait plus voir ce que je suis devenu, un daron comme les nôtres, ranger des affaires, que veux-tu? C'est ça la vie, man. Tu trouves un taf, tu te casses, fais des membres, rentre dans le système. Plus trop le temps pour le rap, donc j'ai mis de côté la scène. Tout comme l'envie de faire presser des scènes. Je balance le truc sur le net, tu veux le dernier, déjà moi le dé. Va sur notre site web ou sur MySpace. J'envoie du lourd pour mes anciens et maudit les traîtres. Balance un son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect. Son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect. Dans ma ville, dans ta ville, comme dans toutes les villes, ça suce des beats comme des Mr. Freeze. Portefeuille vite, chaîne plaquée or comme Mr. T. Je te ferai saigner du trou de balle comme une MST. Back par ton grenade si tu veux pas voir un canon scié. C'est pas parce que je me suis rangé que je vais laisser pisser. C'est tonton Zogua, laissez passer. Venez tester si vous voulez, si vous pouvez. Il se pourrait que les urgences soient saturées. Ça tourne toujours dans le même sens. Pas d'espoir, n'a t'as rien du destin si tu fais de la merde du matin au soir. Y'a plus la moindre enveloppe de thunes rangée sous le matelas. Y'a plus la moindre chance que je bosse sur ce plan là. Toute façon à quoi bon quand t'es entouré de pantins. Des putains de connexions foireuses, un mur au bout du chemin. Des grandes gueules, rien d'autre que tu baratins. Des poucaves, des baltringues, non, je connais trop bien le terrain. Balance un son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect. Son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect. Balance un son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect. Son fat, freestyle. Pas de thème précis, de bonne phase. Des rimes techniques, grosses basses et flow sexy dans le sofa. Comme d'hab, calcif sur les chevilles, des contracts. Et j'donne à manger au suspect.